À toi José Bové, le paysan militant, que rien ne peut arrêter, ni l'État, ni l'argent, des monteurs de Macmer, des faucheurs d'OGM, tu refuses d'obéir à l'ordre capitaliste. À toi Che Guevara, le révolutionnaire, parti de Cordoba, sans idée libertaire, les rencontres changèrent, à jamais égalitaire, ton image restera tant que la lutte durera. Sanguin qui fait face à Bill Gates, en marche sur le chemin qui fera tomber les States pour un logiciel libre contre l'impérialisme. Tu restes toujours fidèle à tes idées rebelles. À toi non les ma mère qui marie les homos sans le consentement du père face à leur loi capo. Tu prônes l'égalité dans notre société, l'orientation sexuelle ne doit pas être un problème. Qui a remué la ruche quand il fallait se taire. Ta campagne de président et les restos du cœur. Poser ton accident dans la plus grande rancœur. À toi l'abbé Pierre qui s'est battu la guerre contre la misère des familles en galère. On te doit les Maüs, des coups de gueule passage. Je profite de cette ère pour te rendre un hommage. À toi le libertaire, à toi l'égalitaire, à toi le solitaire et à tous les solidaires, aux classes populaires et leurs ministères qui opèrent.